بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه العزيز إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فمن أوصاف المؤمن parmi les caractéristiques du mu'min, al-adl wal-insaf fi aqwalihi wa af'alihi kama bayyana jalla wa ala fi qawlihi wa idha qultum fa'dilu. Fal-adl wal-insaf, ay être juste, être objectif, être véridique, c'est min sifat al-mu'minin, min sifat ibadillah al-muslimin. Être juste dans tes aqwal, akhi al-karim. Être juste et objectif quand tu parles. Khas satan, quand tu parles sur un autre. Falhadar mina al-ahwa. Falhadar mina al-shubuhat. Walil-asaf al-shadid. Na'ishu fi zamanin al-jahlu fihi kathir. On vit dans une époque où al-jahli est kathir. Kathir mina al-nas. Ma ta'assalu al-ta'assil al-ilm al-nafi' inda ahl al-ilm. On vit dans une époque kathir min al-nas. Ils n'ont pas d'ilm. Ils n'ont pas des usul, des fondements pour comprendre les choses. Wa kadhalika ash-shubuhat muntashira. Wa ibta'ada kathir min al-nas 'an manhaj an-nubuwah wa tariq wa mabadi salafina as-salih. Khassatan an walaw ba'd an-nas font des efforts ou ils essayent, كثير منهم ils n'emploient pas la bonne méthode. Et la méthode pour comprendre, c'est al-julus 'inda al-ulama, prendre hada al-ilm min 'inda ahli, ne pas prendre tes informations akhi al-karim min 'inda al-kuffar a'da illah ou min al-mubtadi' ad-dallal ou min unas madhulin min as-suhuf ou internet ou les médias al-an. Des informations, t'as aucune source. فربما cette information elle pénètre dans ton cœur, فتزيغ وتطعن في أناس صالحين تطعن في أناس علماء ينصرون هذا الدين. La cause de tout ça, أخي الكريم, c'est ce qu'on vient de citer الآن. فانقلبت الموازين وتغيرت الأحوال عند كثير من الناس. فكما قلنا يصدق الكاذب فيما يقول ويكذب ويكذب الصادق ولو جاء بالحجج والبراهين. وهذا أمر واقع يعلمه الكثير. ومن المسائل التي كثر فيها الكلام وتخبط فيها الكثير. Parmi les sujets, et vous allez comprendre hein, la relation avec le kalam que je viens de citer. للأسف أن الكثير يتخبط ويتكلم في المملكة العربية السعودية. كثير من الناس يطعنون طعن شديد, بل بعضهم يكفر بغير حق. دولة, الشعب مسلم, حكومة, دولة كيف في des efforts comme on va voir pour ce din. Et بعض الناس يصدق الإشاعات et délaisse كلام أهل العلم الواضح comme on va citer, ويقع أهل الانحراف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في أخيه celui qui accuse son frère, qui dit sur son frère, man qala fi akhi ma laysa fihi, une chose dont ce frère, et bien sûr ça englobe kadhalik les sœurs, musulmans ou musulmans, ce frère ou cette sœur, ils sont innocents de cette chose, fa hadha ar-rajul yat'an man qala fi akhi ma laysa fihi askanahu Allah radghat al-khabal. Ta'ammalu. تأملوا هذا الحديث العظيم أسكنه الله رضغة الخبال الله سبحانه وتعالى il le fera habiter في رضغة الخبال أي il le mettra dans cet endroit. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رضغة الخبال. Ils ont demandé au prophète صلى الله عليه وسلم ما رضغة الخبال. فقال عليه الصلاة والسلام عصار أهل النار. عصار أهل النار أي la sueur, le pu, le sang de أهل النار, ceux qui sont في جهنم, ils vont suer, etc. Tellement que ça va augmenter, hadhil awsakh, ça va former un wad. Ça va former un wad. Et comme un fleuve, finna. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui dit sur son frère une chose dont il est innocent, et ça te montre, anna labud min at-tathabbut. Tu répètes pas ce que les gens y disent. Li anna yawm al-qiyamah la yanfa'uk. J'ai entendu, on m'a dit, la yanfa'uk hada. Fa abud. التثبت في الأشياء خاصة نحن الآن وتسيت سحديد celui qui dit sur son frère ما بالك celui qui parle sur deux frères, celui qui parle sur une قبيلة, une tribu, un village, celui qui parle sur une ville entière, celui qui parle sur un pays, celui qui parle sur des gouverneurs, celui qui parle sur un gouvernement musulman, فما بالك ما بالك أخي الكريم. فالسلام لا يعدلها شيء والتثبت c'est مهم جدا جدا خاصة في هذه المسائل خاصة في هذه المسائل. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والنصيحة للجميع. النصيحة دائما نلغبت لإخواننا الأفاضل الرجوع عند أو الرجوع إلى أهل العلم خاصة في أيام الفتن. toujours revenir à أهل العلم. ne te précipite pas de dire une chose et t'as aucun salaf معك, t'as aucun savant معك. ça veut pas dire التقليد هذا أبدا. لكن المسلم العامي طالب العلم il doit revenir à ses savants. فالعلماء الآن ils ont un موقف par rapport à cette دولة. et c'est ce qu'on va étudier dans notre محاضرة اليوم. فلا ينبغي لمسلم وخاصة لسني لسلفي لطالب علم لا ينبغي أنه il a des avis sur des affaires, sur des sujets énormes et il revient pas à أهل العلم et il répète ce que les autres disent. J'ai entendu, j'ai lu, on m'a dit, هذا لا شك أنه il ouvre un bab de inhiraf على نفسه وعلى غيره. فإياك والكثرة. Attention à الكثرة. Attention أخي الكريم. Ne crois pas que si beaucoup de gens disent une chose, forcément cette chose elle est vraie. أبدا. إياك والتقليد. إياك والتقليد. Tu suis aveuglément et t'as aucun dalil, aucune source sur ce qu'on sur cet avis. إياك. إياك والاستعجال. كذلك. Fais attention à ne pas te précipiter. لأن الكلمة إذا خرجت خرجت. إياك كذلك واحذر من عدم الإنصاف والغرور. احذر من الكبر. Tout ça, بإذن الله عز وجل, ça va t'aider à comprendre des sujets d'actualité. Ça va t'aider à comprendre beaucoup de مسائل. Et inshallah, tu seras على جادة الصواب. Tout ça, bien sûr, en revenant à أهل العلم. Et قبل ذلك الإخلاص لله عز وجل. لأن ces sujets qu'on traite الآن, ça fait partie de notre din. Ces sujets qu'on traite الآن. Et نحن, on a ce din, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Tu ne dis pas ce que tu veux, أخي الكريم. Ce din, ce n'est pas fondé sur tes humeurs à toi. Ou sur ce que tu veux toi. أبدا. Ce din, c'est قال الله, قال الرسول, قال الصحابة. C'est ça ce din. Voilà une chose, elle ne te plaît pas. Si c'est حق, c'est حق. Voilà aussi une chose, tu ne pensais pas que c'était comme ça. Si c'est comme ça, c'est comme ça. فالحذر من الأهواء. فسأقرأ عليكم بعض كلام أهل العلم عن مناقب هذه الدولة وفقها الله حتى تكون أخي الكريم على علم وبصيرة. إن شاء الله تتكحت الإشاعات والشبهات في هذا الباب والله المستعان وبه التوفيق. أولا أخي الكريم لابد أن تعرف شيئا ولو قليلا عن تأسيس هذه الدولة. tu dois, pour comprendre ce sujet, il faut une étude. il faut une étude. بعض الناس تعجب لا يقرأ ولا يرجع إلى أهل العلم. il fait pas de recherche. et il ne connaît pas la chose, et Obama il sort une parole, Obama il kaffir un chèque entier, des millions de personnes. A'oudou billah min al-dhalal. Hadi d'oula l'an, ossisat ala mabadi. Cette d'oula elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Là, elle a des fondements, elle a des principes que nos savants nous ont cités et que les livres d'histoire ils ont répertorié. Ma'alouf hala. Hadi d'oula. Pour bien comprendre le mawqif que tu dois avoir, أن هذه الدولة أسست أو قبل أن تؤسس تدوكنت حال الجزيرة قبل التأسيس أن الجزيرة العربية شكونا بالآن المملكة العربية السعودية avant cette الدولة الناس هناك في نجد والحجاز والجزيرة كلها قبل دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشرك الأكبر كان منتشر الشرك الأكبر s'était répandu في الجزيرة avant cette دولة pour te répertorier dans le temps il y a 300 ans تقريبا فالشرك انتشر كان منتشرا هناك فعبدت القبور والأشجار عبدت القبور خاصة تعلمون أن هناك قبر النبي عليه الصلاة والسلام قبر الصحابة قبر علماء قبر أناس صالحين فبعض الناس وكثير منهم à cette époque ils ont adoré ces créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الذنب العظيم الشرك بالله يسبخوباجي في الجزيرة فوفق الله سبحانه وتعالى هذا الإمام الإمام شيخ الإسلام الثبت محمد ابن عبد الوهاب يرحمه الله فنشر التوحيد قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فالله سبحانه وتعالى لو وفق هذا الإمام شيخ الإسلام ولله الحمد on avait fait une كلمة sa biographie et on a étudié plusieurs de ces rasa'ils, walillahi alhamd, de l'auteur de Kitab Tawhid, l'auteur de l'Usul al-Thalat, Cheikh al-Islam, il est ma'rouf, il est mashhour, Allah subhanahu wa ta'ala wafaqa, il a fait da'wa. Il a appelé les gens à revenir au Tawhid. Il a appelé les gens à délaisser hada shirk. Fala taghtar bil isha'ad, ceux qui accusent injustement l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il a appelé à délaisser shirk. Il a appelé à revenir à l'islam authentique, rahmatullah alayhi. Wa ayyadahu fi dhalik wa nasara ala al-qiyam bi hadhihi al-muhimma al-'azima al-imam al-amir as-salih Muhammad ibn Saoud yarhamuhullah. Al-imam Muhammad ibn Saoud il a aidé avec sa tribu, avec son argent, liannahu c'était al-amir à l'époque في الدرعية رحمة الله عليه إلى أكي إلى إيدي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فقامت وأسست دولة التوحيد والخير على هذه الأسس العظيمة أي لابل التوحيد la mise en garde contre le shirk contre l'adoration des tombes contre الغلو بعض الناس Et c'est encore منتشر في بعض البلدان. أن بعض الناس والعياذ بالله يفون غلو حتى ربما يبلس sa confiance. Ou il a peur d'une pierre. Ou d'un arbre. Ou d'un djinn. Ou quand son enfant il tombe malade. Ou lui-même il tombe malade. Il sent le besoin de revenir à une tombe. À un mort pour lui demander. Tout ça c'est shirk. Et tout ça c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a combattu au départ. هذا الإمام. Ou ces deux imams. الله سبحانه وتعالى وفقهم لهذه الدعوة العظيمة الرجوع إلى منهج السلف الصالح في التوحيد وفي غير ذلك فمن أعظم فضائل ومناقب هذه الدولة المباركة العناية بالتوحيد الخالص والمعتقد الصحيح نعم وهكذا في زمن الملك السني عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه هو إلى يومنا هذا. On a cité le premier mérite التوحيد لأن c'est la base de l'islam. لأن celui qui حقق التوحيد دخل الجنة. لأن التوحيد c'est la da'wa de tous les prophètes. كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالسلبي كي كوني منزلة التوحيد et il connaît la gravité du shirk, il va, au départ, l'an, de cette kalima qu'on fait, au départ, il va comprendre que la hadith de Dawla, elle a été fondée sur Had al-Assas al-Azim. Had al-Assas al-Azim. Ça, c'est il y a 250 ans, 300 ans, Akhil Karim. Il a yom il a Had. Walillahi alhamd. Et cette Dawla, elle fait des efforts sur Had al-Assas al-Azim. Waman, waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala li mahabbat al-Tawhid, wa bourd al-Shirk, voilà, Sheikh Allah, il va reconnaître. Il va reconnaître ce mérite. لأن هذا سوى عروف عند عند حتى عند الأعداء حتى عند الأعداء إذا بل الوهابية etc. يطعنون فيهم لماذا؟ لأنهم ils ont appelé au tawhid et ils ont combattu الشرك بالله جل وعلا. قال الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه. C'est le père de tous les rois qui se sont succédés ces dernières années في المملكة. Le père de Salman, le père de Abdallah, le père de Fahd, le père de Khalid, alayhim rahmatullah. C'est lui qui a assis la dernière daoula, rahimahullah. Qala wa isma' ila al-kalam. Tu vas sentir dans son kalam, mahabbat al-tawhid. Tu vas sentir dans son kalam, al-haq. Tu vas sentir dans son kalam, al-tarbiya ala sunnah. Et ça c'est une ni'ma. Et nous, en tant que sunni, en tant que muslim, on n'a pas le droit de renier hada al-khayr. Abadan, si un frère, on ne dit pas une daoula ou un amir ou un alim, là, on dit si un frère il fait des efforts, il fait le tawhid, on n'a pas le droit de renier son khayr. Ma balouk un alim, ma balouk ulama, ma balouk un hukouma, ma balouk daoula, ma balouk un shab, on dit ils font des efforts, il fait hada. Les malades, on ne reconnaîtrait pas hada le khayr. Les malades, celui qui ne reconnaît pas hada le khayr, il a un khalal. Il a un khalal dans son qalb, al-an. Nous, on te pose la question, est-ce que le tawhid s'adjel? C'est un musulman là. Est-ce que le fait qu'ils ont combattu le shirk, ça te gêne? Famada. Illa ash-shubuhat wal ahwa. Qala al-Malik Abd al-Aziz ibn Abd al-Rahman al-Saoud rahimahullah. Hadhihi hiya al-aqida allati qama Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab yad'u ilayha wa hadhihi hiya aqidatuna. Wa ta'lamun walillahi alhamd kathir minkum. Beaucoup de frères ils ont assisté au cours, et ils ont lu des livres, et ils ont assisté à des shuruhat de ulama, ils connaissent da'wat Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Ah, c'est l'amir l'an, l'amir Abdel Aziz, celui qui a assis la dernière daoula, et le mamlaka, ah, c'est l'an, il te démontre qu'il y a sa aqida, et leur aqida, c'est aqida Cheikh l'Islam, rahmatullah alayhi. Qal, wa hiya aqidatun mabniya ala tawhidillahi azza wa jal, khalisatun min kulli sha'iba, tawhid, purifié de tout shirk. Et c'est ça تحقيق التوحيد. قال منزه من كل بدعة فعقيدة التوحيد هذه هي التي تدعو إليها وهي التي تنجينا مما نحن فيه من المحن وأوصاب. كلام جميل. Il montre, رحمة الله عليه. Et il a compris. Et il essaie de faire comprendre aux autres que le fait de s'accrocher à cette aqida, c'est ça qui va les sauver. C'est ça qui nous sauvera tous. التوحيد. Et le fait de tomber dans le shirk, c'est ce qui emmène la perdition. Ce qui emmène l'insan à sa perte, wal'iyadu billah. Qala al-allama Hamad al-Ansari rahmatullah alayh, min awakhir ad-dawla al-abbasiyya ila zamanin qarib, wa ad-dawla al-islamiyya ala al-aqida al-ash'ariyya, ou aqida al-mu'tazila. Et hada c'est ma'rouf. Al-allama Hamad al-Ansari rahmatullah alayh, l'an il te montre anna, depuis l'époque de la fin de dawla al-abbasiyya, et ça fait plusieurs siècles, ila zamanin qarib, et الدول الإسلامية ils avaient عقيدة الأشاعرة أو المعتزلة. قال ولهذا نعتقد. تأمل معي أخي الكريم. Médite bien الآن la position et la réflexion de العلامة محمد الأنصاري رحمة الله عليه. الآن هو il parle avec des حقائق, des choses réelles. Il dit pas j'ai entendu, on m'a dit peut-être, mais pourquoi ils ont fait أبداً. الآن il compare historiquement beaucoup de دول. Ils étaient à la aqida al-mu'tazila ou al-ash'ira ou al-tasawuf, etc. Al-an, il a vécu en Arabie Saoudite et il sait les efforts qu'ils font fait à l'aqida. Fal-an, son mizan, ça va être l'ilm. Ça va pas être, on m'a dit, ou hadith al-musiba. Il montre un reportage à la télé, ça c'est min makri al-a'da. Ça c'est min makri al-kuffar. La kaktara nas la y'alamoun. Il montre à la télé maintenant un reportage, un saoudien, il a bu de l'alcool ou il boit de l'alcool, ou il fait zina. Fawa'aduhum, il conclut, انظروا الظلم وعدم الإنصاف. Il conclut, c'est une dawla kafira, والعياذ بالله, ou c'est des mujrimoun, ou ils font pas attention à leur dîn. واحد. واحد. ويحكم على الجميع. C'est ça, عدم الإنصاف. Et là, tu comprends le lien avec la muqaddima qu'on a fait avant de rentrer dans les détails. Akhil Karim. Fahada. لاش كان بعضهم يبواب لاش بعضهم يفون زنا على époque du prophète صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قام حد الخمر sur un مسلم il a bu وحد زنا هذا نحن le renie pas لكن dire qu'il n'y a pas de خير فنعوذ بالله وأعجب من ذلك أن بعضهم يفون أكثر بل بعضهم يفيب عند الكفار et il fait aucun effort et il s'autorise tout هو. Quand tu lui dis, Akhil Karim, délaisse l'alcool, ou Akhil Billah, délaisse cette chose, il te dit, Allah Ghafur Rahim, arrête d'être trop dur. Quand c'est pour parler sur les autres, Dawla entière, il voit un reportage, il est manipulé le meskin, wahwala yadri, et yatan. Pourquoi tu ne fais pas des efforts sur toi-même? Pourquoi tu ne te remets pas en cause? Pourquoi tu n'as pas de la douceur envers les autres comme tu as envers toi-même? C'est ça, al-ahwa ya ikhwan. Da'iman, da'iman, on se remet en cause et on est monsef. On est juste. On est juste envers celui qui est proche ou celui qui n'est pas proche. Envers l'adou, envers le qarib. Envers le sahir et le kabir. Al-insaf, c'est un sifa. Aziza, jiddan, jiddan. Qala, al-Ala Muhammad, rahmatullah alayhi, qala, wa lihada na'taqid anna al-dawla al-sa'udiyya nashrat al-aqidah al-salafiyya. عقيدة السلف الصالح بعد مدة من الانقطاع والبعد عنها إلا عند ثلة من الناس يمكن أن ننقضى لماذا لأن حماد الأنصاري رحمة الله عليه سي أن سافون دو سنة إي دوني دو لامبورتونس أو التوحيد vu qu'il aime le توحيد إي دوني دو لامبورتونس أو التوحيد إي روكوني سو كي فون دي زيفور في التوحيد أما الآن الناس بعضهم في جهل إي لي مانيبولي مسكين إي سي با بعضهم حسن الظن أنه سي با بعضهم يساف لكن سي العناد T'entends des kalimates, elles sont ba'ides. Jiddan anis sawab. Jiddan. Wa qala al-imam, Abdel Aziz ibn Baz, rahmatullah alayhi. Wal-ida'u li hadihi d-dawla, ida'un lil-haq, ida'un lil-tawhid. Al-ida', c'est le fait de prendre quelqu'un comme adou. L'animosité. Tu prends Fulan comme ennemi. Enfin, celui qui a de l'animosité envers cette dawla, et il considère que c'est un ennemi, il a du ida' lil-haq. Naam. فلهذا تتخف با من علماء السنة أنهم يزون هذا العداء وهذا البغض فلهذا هذا يحصل من الجهال أو من المنحرفين قال عداء للحق عداء للتوحيد قال أي دولة تقوم بالتوحيد الآن من حولنا صحيح صحيح الآن si tu viens à comparer دولة المملكة avec les autres pays tu vois que المملكة العربية السعودية ils ont du خير عظيم في باب التوحيد وفي غيره فلماذا critiquer نحن والله الحمد on دائما on conseille nos frères on conseille les jeunes انهم لا يطعنون لا في المملكه ولا في غيرها من بلدان المسلمين بلدان المسلمين فيها خير même s'il y a des manques dans des choses même s'il y a des choses graves qui se passent il a arrêté لكن c'est ton frère c'est une dawla muslima c'est une dawla muslima on s'entraide et on conseille بالتي هي احسن اما الطعن et on croit ce que nos ennemis ils essayent de propager حتى الآن تعلمون أننا نعرف أن نيفو أو بعض الناس نسأل الله العافية إذن أتى نيفو أنهم يطني على بلاد الكفر يطعن في بلاد الإسلام على بلاد في بلاد الإسلام نعم طعن شديد طعن شديد فلماذا لماذا tout ça أخي الكريم الجهل et ils donnent pas assez de temps pour apprendre et كذلك ils ont des mauvaises sources avec ces ingrédients الإنسان ينحرف يشعر أم لا قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من يدعو إلى التوحيد الآن ويحكم شريعة الله ويهدم القبور التي تعبد من دون الله من كلام الإمام il est considéré comme شيخ الإسلام في هذا العصر رحمة الله عليه et c'était le مفتي عام مفتي عام cette chose elle te suffit كذلك كم من قضى أنه مفتي العام مفتي عام المملكة أي la référence religieuse à son époque c'était شيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه et sa parole elle avait de la قوة والله الحمد il était écouté et il avait un rôle important فهذا في الحقيقة يكفيك كذلك من مراقب وفضائل هذه الدولة parmi les mérites et les bienfaits de cette دولة أنهم يحكمون بشرع الله والله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فتحكيم شرع الله أمر مهم. وهذه الدولة ولله الحمد ils ont fait beaucoup d'efforts في هذا الباب إلى يومنا هذا. قال الإمام الملك عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه قال جميع أحكام المملكة تكون منطبقة على كتاب الله. فاس الملك le roi de l'Arabie Saoudite سابقا إلى ce كلام الطيب. قال جميع أحكام المملكة تكون منطبقة على كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. كلام جميل جميل. Il démontre أن cette دولة que lui il gouverne رحمة الله عليه elle est fondée على هذه المبادئ القرآن والسنة avec la compréhension des سلف. قد يقول قائل ما ceux qui gouvernent الآن اسمع. قال الملك سلمان حفظه الله تعالى ورعاه قال الحمد لله. Il a cité cette parole quand il a pris le pouvoir il y a quelques mois après le décès de son frère Abdullah rahimahullah. قال الحمد لله دستورنا كتاب الله والسنة رسوله وما جاء به الخلفاء الراشدون. إياك أخي الكريم que tu rentres dans النية لأن بعض الناس ils savent que c'est des حقائق et ils ne peuvent pas nier, c'est enregistré, c'est écrit, c'est propagé. الشيطان يوسوس et ربنا يدي mais prends على الظاهر et le bilad comme il est gouverné et tout ce qu'on va citer ça appuie هذا. Et c'est ton frère musulman qui parle. C'est un gouverneur qui est à la khair. Enfin, laisse pas le shaitan rentrer. Mais peut-être... Abedan, tu voudrais pas qu'on te fasse ça. Mais donc, à chaque fois que tu pars, on te dit, mais attends, peut-être que tu mens. Là, Abedan, t'es connu pour le khair, t'es connu pour le sur. Enfin, Inch'Allah, on te croit, sauf si on a des adillah qui montrent que tu mens. Ah, c'est ça le mu'amala sahiha. On répète, al-insaf, al-insaf. Kathir min al-nas, wal-iyadu billah, v'dolo, pour manque de insaf. Il a un comportement avec les autres qu'il n'a pas avec lui. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tu ne croiras pas à Karim. Tu ne croiras pas tant que tu n'aimeras pas pour, ce que ton, pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Fa limada t'accuses les autres. Limada tu ne crois pas les autres. Limada alors qu'il n'y a aucun délil ala hadha. Wa qala al-imam Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh rahmatullah alayhi mufti al-mamlaka avant Cheikh Abdelaziz Ben Baz alayhi rahmatullah. فهو كذلك il a un rôle important في الحكومة السعودية. قال والحكومة بحمد الله أي الحكومة السعودية أي بحمد الله دستورها الذي تحكم به هو كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد فتحت المحاكم الشرعية من أجل ذلك تحقيقا لقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنا je conseille les frères أن quand ils vont حج أو العمرة visitez ces محاكم شرعية خاصة le vendredi ربما يطبقون من هذه الحدود ولله الحمد. Et tu verras avec tes yeux أنهم يحكمون بشرع الله. Et نحن c'est assez معنا. On ne dit pas que c'est une دولة ils ne font pas de faute, ils n'ont pas de manquement. أبداً الكمال لله عز وجل. لكن ces paroles et ces efforts qu'ils font en tant que مسلم je me dois d'aimer, de les aimer بالله et de les aider et faire dua pour eux. فاحذر الشبهات. احذر الشبهات اخي الكريم. الان نحن نتسيت كلام اهل العلم. نتسيت كلام اهل العلم. نتسيت كلام الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن ابراهيم، الشيخ حماد، وسياتي معنا كلام كثير من اهل العلم. فاحذر الشبهات. مع هذه الجهود الطيبة تجد بعض الناس يطعنون كما نادي في المملكة. يطعنون والعجيب والحقيقة تتعجب وتسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية أن toutes ces حقائق qui sont citées par علماء qui sont connues في التاريخ tout ça ça part à درجة الرياح كما يقال à cause d'une شبهة ونعوذ بالله من الفتن à cause d'un article à cause d'un reportage. بعضهم ils oublient tout. لماذا لأن les fondements c'est essentiel. Voilà aussi à des ma'asi. Est-ce que ça annule tout le khayr qu'ils ont fait? Abadan, ce qui annule le khayr, c'est shirk. Haoula, ils le combattent. Ba'dan nas, pour vous montrer kif, n'qalabat al-mawazin, indahu, le fait de combattre al-shirk, pour lui, ça n'a pas une grande importance. L'imad Ali Annahu, il n'a pas des fondements de tawhid. Pour lui, une personne qui boit de l'alcool, Rubana, c'est plus grave. Alors qu'un al-muwahid, là, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ. Celui qui boit de l'alcool, ça reste ton frère. Et nous, on n'a plus d'ahada. C'est un munkar azim. Et on fait da'wa et on essaye de l'enlever avec tout ce qu'on peut. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. Lakin, ça reste ton frère musulman. يُنصح. أما الشرك, ça fait sortir de l'islam. فبعض الناس, vu que ce misan, ils l'ont plus, ils ne reconnaissent pas les bienfaits de mitl hadhihi ad-dawla. حتى بعضهم والعياذ بالله. Pour vous donner un mital, et pour qu'on soit dans le nominatif, pour être clair, Rubbana, il fait passer Daulat, Al-Zandaqa, Al-Nifaq, Al-Zulm, Iran, l'Iran, avant Al-Mamlaka Al-Arabiya Saoudia. Compare nous fi Tawhid, faqat. Compare fi Tawhid. Al-Mamlaka Al-Arabiya Saoudia, walillah ilham, la yujad viha qabrun yu'bad, min dunillah. Prends cette mas'ala faqat. Et cette mas'ala, c'est un fondement de notre religion. L'explication de la ilaha illallah, c'est la ma'boud bihaq illallah. Et on se doit d'adorer Allah seul. Fal'an, wa'adannas, ils adorent al-qubur. Donc ils adorent une créature en dehors d'Allah. C'est le shirk billah azza wa jal. Si le même avec l'Arabie saoudite, tu ne trouveras pas hada. Walillahi alhamd. Ils le combattent depuis l'époque de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab jusqu'à aujourd'hui. C'est interdit. C'est interdit. S'ils trouvent une personne adorée autre qu'Allah, ils passent au tribunal. Et le juge avec les lois d'Allah par rapport à ce sujet. Tu trouves Dawlat al-Zandaqa al-Rab, même une qariya, ils adorent min dunillah. Normalement, si tu as un cœur qui aime le tawhid, et qui connaît le tawhid, et qui déteste le shirk, normalement, il n'y a pas de débat. Normalement, il n'y a pas de débat, Rihada. Si on compare ces deux douels. Lakin, les mains à la barre de l'Anas, ils font passer Dawlat al-Shirk avant Dawlat al-Tawhid. Et les mains, et la réponse, elle est maroufa. L'importance de faire des efforts fait l'ilm, ya jama'a. At-tahabbut que tu vois dans ce sujet ou autre, c'est deux choses. Adam al-ta'sil, il y a une faiblesse dans l'ilm, et kadalik l'intention. Ce qu'on répète depuis le début, le manque d'objectivité. Ces deux choses, pas de l'ilm, et une mauvaise intention, ça ouvre des portes, t'entends des choses, comme on vient de citer, wal'iyadu billah. Wallah al-musta'an. Qala al-allama Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahmatullah alayhi. في كتابه النافع الفتاوى الجلية وهو من علماء المملكة قال محمد سرور ذلكم المارق المبتدع الضال المبتدع انيغاري كي فيفي في المملكة محمد سرور زين العابدين لو جروب ايغاري السرورية سنسبة لهذا المنحرف قال الشيخ أحمد النجمي محمد سرور ذلكم المارق المبتدع الضال له كلام يفهم منه تكفير الدولة السعودية ويزعم أنهم محكمون لرئيس أمريكا ما مثل هذا الكلام نحن نسيب لأن كثير من الناس وقعوا في هذا الخطأ وفي هذا الجهل اسمع قال الشيخ أحمد رحمة الله عليه دونك يدمونتخ أن هذا الضال محمد سرور يكريتيك المملكة العربية السعودية يدمونتخ أنهم سي دي سيرفيتور دي زيتازوني قال له كلام يفهم منه تكفير الدولة السعودية سيؤ pour conséquence أن هذا المنحرف إلى كفر أو إلى دي بارول tu peux comprendre mais هو يكفر المملكة والعياذ بالله قال الشيخ نجمي يقول هذا وهو مقيم في لندن عاصمة دولة بريطانيا فالله المستعان أنه هو Et il a délaissé le mamlaka, il a le khayr, le tawhid, le sunnah. Même s'il y a des manques et des défauts, il y a un conseil. Ta'awun. Al-an, il a délaissé tout ça. Et il est parti à Londres. Est-ce que Londres yahkumun bi shar'illah? Est-ce que Londres yahkumun bi sunnah? Les femmes, elles sont couvertes, t'entends les dames, etc. Ah, madame, bilan kufr. Fata'ammal akhi al-karim, cet exemple qu'on te cite, kayf al-qalabat al-mawazin. Tout ça pourquoi? Ar-rajul, il n'est pas à la djahl. Il sait très bien, il a vécu. Et il a des bases dans le tawhid, etc. Lakin al-hawa, al-hawa, les fréquentations, pas de source, al-hiqd, il ne revient pas à man huwa a'lam minh, qu'à l'imam, Cheikh Abdel Aziz, ou Cheikh Al-Udaymin, etc. Al-haraf, wazah. Qala Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, fakir akhi, man al-awla bil-ubudiyya lil-kuffar, hal hiya dawla, الدولة المستقلة ببلدها وحكومتها ودينها أم هو محمد سرور المقيم في بريطانيا celui qui a عقل on ne parle pas de علم الآن celui qui a عقل الآن عقل سليم qui n'est pas touché par الشبهات il a la réponse الدولة مستقلة ulama. Ils ont des tribunaux islamiques. Ils font des efforts. Ils impriment des livres. Wallahi alhamd, ils sont indépendants économiquement, etc. Wallahi alhamd. Et ils font des efforts et ils ne sont pas parfaits. Abadan. C'est qui est le plus apte à ce qu'il a cité Hadal Muharif? C'est qui? C'est Huwa ou c'est Al-Mamlaka? قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه إذا رأيت الرجل أساسا من منهج أهل السنة والجماعة إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هواء. Ça c'est un signe. Si tu veux reconnaître le mubtadi' الضال, c'est il critique le sultan, l'amir musulman. لأن الآن en critiquant la Dawla Saoudia, il critique le hukam هناك. Il critique pas les murs, les pierres, les arbres. Évidemment, il critique القائمين على هذه الدولة العلماء والحكام. فإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح تأمل قولهكم لبخيسي رحمة الله عليه. فسات نوتخنا لا نعتقد أن سي غوفرنور يسون بارفي أبدا, لكن سي غوفرنور مسلم تي تون فخير سي تون فخير تو دوا ليدي سي لا دي مونك تو ليد تو في مينيموم دعاء بور لوي كالله سبحانه وتعالى يلو فاسيليت. قال إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان أي إفاء للدعاء pour lui بالصلاح فاعلم أنه صاحب السنة إن شاء الله تعالى. قال الشيخ العثيمين قال من أراد رحمه الله من أراد الكمال في مثل هذا الزمان فليكمل نفسه أولا. نحن نسيت كلام الأهل لماذا؟ لأن بعض الناس ربما يكون اسم الحقائق ربما ils lisent فقط le titre, les mérites du royaume d'Arabie Saoudite. بعض الناس يستعجلون. Ils ne savent pas comprendre. Oh, ils ne vont pas comprendre. فربما يقول, ils ne sont pas parfaits. Ils ont telle chose. Ils ont telle chose. نحن, on le sait, هذا. On le sait. نحن, on te parle des mérites. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont à revoir. لكن le sujet, c'est les mérites. On va citer les mérites. لكن التنبيه أنه ربما يقول Anna, ils ne sont pas marsoumines, ils ont des erreurs, ils ont fait telle chose, et ils citent des choses. On a déjà dit ces choses, il faut voir, awalan, est-ce que c'est faible. Thomas, il faut voir, ماذا يقولون العلماء, il faut peser avec le kitab ou le sunnah, etc. Lakin, Cheikh Ibn Taymiyyah, يقول un كلام جميل, قال, من أراد الكمال في مثل هذا الزمان, فليكمل نفسه awalan. Ça, c'est une nasiha عظيمة. يوم القيامة, أخي الكريم, tu ne seras pas interrogé sur fulan ou allan. Wallahi, tu auras des comptes à rendre sur tes œuvres à toi. كل نفس بما كسبت رهينة. Celui qui fait un bien, il le verra. Celui qui fait un mal, il le verra. فاكمل. Fais des efforts pour ton نفس. والله مرة أخبرني أخ, un frère m'a informé أن واحد يفي في بلاد الكفر. Et il travaille dans un endroit où il y a la mixité. Belle, il serre la main aux femmes. Belle plus. Etc. Etc. Il est dans une hala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويهديه. Il est dans une situation catastrophique pour son dîn, etc. Hada marra, il rencontre un frère où il y a ta'an fi hukam al-mamlaka. Ils combattent la mixité. Walillahi alhamd, ils sont habillés comme des musulmans. La plupart, les gouverneurs et autres. Et Hada, il est habillé pas comme un musulman. Il vit avec le kuffar, il travaille avec eux, il serre la main, Robama, il a des amitiés, etc. Et il y a ta'an fi al-mamlaka wa fi hukamiha. Pourquoi Hada, il ne fait pas des efforts sur lui-même? Est-ce que yom al-qiyama, ce frère, l'an, il va être interrogé à al-mamlaka? Tu vas t'interroger pourquoi tu as serré la main aux femmes, pourquoi tu n'as pas fait hijra si tu avais la capacité, pourquoi tu te mélangeais, etc. etc. Et tu auras des comptes à rendre. Lakin, shaytan. Il regarde les autres, alors que les autres ils sont dans une hala qui est mieux que lui, il n'y a aucune comparaison, et il s'est oublié lui-même. Hada, c'est quoi? Hada, shaytan. Shaytan, il l'égare ou il l'égare? قال شيخ العثيمين من أراد الكمال في مثل هذا الزمان فليكمل نفسه أولا قبل أن يحاول تكملة غيره. صحيح. كومونس باغ توا أخي الكريم. كوريج توا سي تا لا فورس. ميلا بور رابور أ تي مونك أ توا. إي أبل لي زوطخ أو خير. أفيك أن بون كومبورتمون أفيك لا دوسور. إي لا دوسور أفيك لي زوط. إي سي تو فو لا دورتي ميلا أفيك توا. لأن بعض الناس إيزون شانجي. دور أفيك لي زوط سوبر سوبل أفيك لو ميم. C'est pas dans l'Anbiya had. قال هل الشعب الآن مثلا هل هو مكمل نفسه؟ لا. Cheikh Ibn Taymiyyah, il te montre qu'il y a des gens qui critiquent les gouverneurs. Ils critiquent les gouverneurs alors que même ils sont dans une situation critique. Est-ce que le gouverneur l'an il te dit ne fais pas cela? Si on prend l'exemple de l'Arabie Saoudite, Ben, les encourage, comme on va voir. Est-ce qu'il te dit ne fais pas le hajj? Est-ce qu'il te dit ne fais pas siyam? Est-ce qu'il te dit ne sors pas des sadaqas? Est-ce qu'il te dit ne fais pas de dhikr? Abatan, ça fait des efforts, akhil karim. Qala shaykh al-Uthaymeen, la. Qala ash-shu'ub fiha انحراف كثير فيها كذب وغش في المعاملات سوء أخلاق استماع إلى الأغاني وغير ذلك يوجد في الشعب من هذا حاله فإذا كنا كذلك فلا ينبغي أن نريد من ولاة أمورنا أن يكونوا على مستوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنصاف إنصاف quand on vous parle de l'objectivité اسمع un exemple avec الشيخ محمد بن عثيمين الشيخ بن عثيمين ici أن l'époque où on vit il y a du ضعف. Il y a du da'af. On parle à Shu'ub al-Muslima. On parle des pays musulmans. Il y a du da'af. Bardohum, ils s'habillent comme des kuffars. Bardohum, ils boivent l'alcool. Bardohum, ils insultent. Bardohum, ils mentent. Le vol, etc. Rishwa. Tout ça, c'est montéchir. Enfin, comment avec tout ça, et si on ne fait pas d'efforts, Bardohum, ils critiquent les gouverneurs. Il veut un gouverneur à la Mustawa Abi Bakr, ou Omar, ou Uthman, ou Ali. Alors que lui-même, il est à Mustawa qui n'est pas adapté. C'est ça l'objectivité, et c'est ça. Pour résoudre les choses, revenir à Ahl al-Ilm. Hada al-kalam l'an que t'écoutes, wallahi, si tu ouvres pas les livres, khasatan à notre époque, si tu ouvres pas les livres, ou t'écoutes pas les cours de l'ulama, ou tu côtoies pas ceux qui ont fréquenté l'ulama, rupama, tu l'entends pas pendant longtemps. Ton cœur est durci et t'arrives plus à comprendre. ومن مناقب المملكة العربية السعودية كذلك احترامهم لأهل العلم أنهم يغسبكت et donne l'importance au ilm et au savant. قال الإمام العلامة الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله عليه ومن ذلك أيضا إلى أن سلب رسالة مشاهدتي في المملكة العربية السعودية رحمة الله عليه avant sa mort, il a fait un séjour في المملكة et il a cité dans un cours audio, comme il a été retranscrit, il a été recopié, ils l'ont sorti en رسالة et Et ils l'ont appelé Mouchahadati fi Saoudiya. Aïe, son témoignage, ce qu'il a vu fil Mamlaka. Cheikh Moukboula, rahmatullah alayhi, on est bahouna, les annabad al-ta'inin al-haqidin, ils utilisent certaines paroles, ils propagent certaines paroles anciennes de Cheikh Moukboula, où il parlait sur le gouvernement saoudien, etc. Walilah ilham, Cheikh Moukboula, il est revenu dans cette risala et autres, il est revenu à l'hada, et il a démontré où on propage plus les aqwal, bel, on les, ceux qui impriment ces livres, ils citent plus à quoi, ils les effacent, etc. Falillah alhamd. Kadalik insaf. Kadalik. Cheikh Moukbil, il n'est pas maçon. Une erreur, il a vu al-haqa'iq. Il a vécu c'est les derniers jours de sa vie, honak, et il témoigne. Hakada nahnu. Hakada. On délaisse pas le khayr. Ce que tu as vu, tes savants, ils sont à la hada. Et ahl al-khayr, ils sont à la hada. Tout ça, tu te délaisses pour l'ahwa. Ou pour satisfaire Fulan. Ou pour ne pas contrarier Fulan. Je suis tout le monde. Abadan. قال الشيخ مقبل ومن ذلك أيضا تكريمهم للعلماء أي parmi les bienfaits les mérites de cette دولة تكريمهم للعلماء صحيح إزنوغ العلماء قال فقد أوصاهم والدهم عبد العزيز عبد العزيز بن عبد الرحمن le père de الملك سلمان رحمه الله بذلك فهم يدلون العلماء ويقدرونهم غاية التقدير غاية التقدير لأن الشيخ مقبل c'est un savant parmi les savants de la sunnah et ils l'ont honoré رحمة الله عليه قال إن إكرامهم لأهل العلم يعتبر منقبة لهم عند أهل الخير والصلاح قال وإحسانا إلى دولتهم وإلى والدهم تنفيذا لوصيته رحمه الله فجزاهم الله خيرا وقال الشيخ العلامة الشيخ نجمي رحمه الله عليه إن الدولة السعودية تجل أو تجل علماءها تبدلهم وتحترمهم قال ولقد زار الملك خالد بن عبد العزيز le frère de Salman قال أي bien avant le Malik Salman c'était lui le roi à l'époque de Cheikh Ibn Baz قال الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله الشيخ ابن باز وزار الملك فهد حفظه الله ابن عثيمين في بعض السنوات حين زار القصيم نعم ça c'est des exemples انهم يحترمون العلم والعلماء ولله الحمد vous connaissez منزلة علماء المملكة إذا منزل عظيم عند أهل الخير والصلاح celui qui a visité l'Arabie Saoudite حج أو عمرة il le voit هذا il voit les assises de أهل العلم il le voit أنهم ولله الحمد ils sont appuyés par leur دولة et ils s'entraident في الخير et ça a donné des fruits عظيمة ثمرة عظيمة انتشار الدعوة السلفية في العالم الآن المملكة العربية السعودية elle n'est pas étrangère à هذا أبدا بل على أن جهد قوي في هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء كذلك من مناقب هذه الدولة الأمن والأمان Et ça, c'est une ni'ma azima. La ya'rif haqiqat qadra hadhi ni'ma. Ou ceux qui reconnaîtront le plus l'importance de cette ni'ma, c'est ceux qui ont vécu à un moment donné sans cette ni'ma. Al-amn wal-aman. La sécurité, la paix. قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل عليه السلام il a fait du'a, il a fait du'a pour هذا البلد أي مكة pour que ça devienne un بلد آمن. فاستجاب الله سبحانه وتعالى إلى دعاء الخليل عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه فهذا الأمن الذي ما شاهدته في بلد إن سببه هو الاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسؤولين ومن كثير من أهل البلد. On revient à parmi les choses, parmi les conséquences, les fruits, tu vas comprendre أن هذا البلد على خير, c'est ce أمن. لأن الله سبحانه وتعالى سيأتي شيخ نقبل اللي بسيتي le verset, on le cite, ولو أن قال عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم, فالأمن والرزق الله سبحانه وتعالى اللي غادوني إكسدرا tout ça c'est par rapport à الاستقامة comme il a démontré الشيخ مقبل رحمة الله عليه. فهناك أمن عجيب, أمن عجيب جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن ils ont fait des efforts dans l'essentiel. Et ça, c'est une faïda. Si tu veux avoir du amn, la paix, la sécurité en toi-même, à ta famille, à tes enfants, à chez toi, à plus grande échelle, dans un pays, haqqiq al-tawhid. Haqqiq al-tawhid, comme on a détaillé kathiran dans Kitab al-tawhid, on avait cité l'adilla fi hada. Qala al-shaykh Muqbil wa iqamat al-hudud kama yaqul Rabbuna azza wa jal fi kitabih al-karim wa lakum fi al-qisas hayatun ya ulil albab. في القصاص حياة. القصاص, القصاص c'est الحدود. مثلا celui qui vole doit se faire couper la main, celui qui tue se fait tuer, etc. C'est ça القصاص, ce qu'on appelle تطبيق الشريعة. فهناك ils appliquent. قال عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. En appliquant ces choses, ça va préserver les vies. معروف. قال الشيخ مقبل نعم القتل قليل في هذه البلاد وكذلك السرقة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة. S'ils volent, il sait très bien qu'il y a un risque. Il peut se faire couper la main. Il tue, il se fait tuer. Ça freine al-mujrimin. Ça freine al-mujrimin. Ceux qui critiquent, et makr al-a'da, ils critiquent l'ayn nahar, ce balad. Une chose à l'arrivée, matalan, qabla ayyam, il y a un certain temps, nasharou anna wahad, il a battu sa femme, hunak. Ils ont fait les gros titres et ils ne respectent pas la femme. Et ça arrive. Ça arrive, ils ne sont pas ma'asoumine. Et celui qui a fait ça, il sera puni, il sera jugé, etc. Mais ils ont essayé de salir l'image du balad entier. Limada, ils ne propagent pas ce qui se passe au balad al-kufr. Le pourcentage des femmes battues, des femmes violées, à cause de l'alcool, à cause de, etc. Est-ce que c'est comparable avec le même laka? Abadan. Abadan, il n'y a aucune comparaison. Lakin harbun wa hiqd. فتأمل أخي الكريم. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه القتل قليل في هذه البلاد وكذلك السرقة. تضع سيارتك عند المسجد أو عند بيتك ولا يأتيها السرق ولا شيء. صحيح, صحيح. هذا كساس في الليل في النهار etc. تأمن تسون أمن تسون الفولي قليل جدا جدا. الآن ceux qui critiquent المملكة الليل النهار, لماذا critiquent pas les pays où tu poses ta voiture tu la vois plus. Tu ne fais pas attention à ton téléphone, il disparaît. Tu ne fais pas attention à ta maison, Obama, il rentre, et c'est un autre qui habite. Et un tas, tu ne peux plus rentrer. L'imada, il ne propage pas. Il ne propage pas les pays où la drogue, elle a ravagé les peuples. La drogue, ou zina, ou la prostitution, ou. Tu trouves, Inda Bardanas, il n'y a pas un calme, il ne parle pas. Elle même le cas, une chose, ils entendent, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, il faut voir la source, ou il n'y a pas un autre. Et l'aqiqahada, ça fait penser à. بعض الناس quand ils voient un frère faire une erreur, وتعلمون هذا, vous l'avez sûrement vécu. Quand il y a un frère sérieux, en talib ilm, un sunni, il fait des efforts, etc. S'il fait une petite erreur, عندهم خلاص, il est mauvais, pourquoi il fait ça, etc. Alors que c'est un frère, conseille-le, il est pas ma'asoum, et il a une faiblesse, etc. Et quand eux ils font la chose, c'est normal. فهذا مثل ذاك. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه قال تضع سيارتك عند المسجد أو عند بيتك ولا يأتيها السرق ولا شيء. والله المستعان. قال عز وجل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Est-ce que après tout ça tu compares المتقي الصالح, ils font des efforts جدا, ils font des efforts dans plusieurs choses, tu compares avec الفجار. Ils font aucun effort. Ils ont le hurriya al-mutlaqa. Ils ont le hurriya al-mutlaqa, liberté totale. Fais ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de réprimander un autre. Et tu compares avec cette daoula. Quand ils font des efforts, ba'dannas, ils disent wahhabiya, ils sont trop durs, etc. Quand ils tombent sur un ansi, Obama il est manipulé, Obama, ils le filment, ils préparent un reportage, l'Arabie Saoudite, c'est des, ils ont fait, ils boivent de l'alcool, etc. Tanaqut, wa takhabbut. Quand ça l'arrange, ils sont durs. Quand ça l'arrange, les dernières années, ils ont kharaja qarar annahum mana'u hatta al-mudaharat, ay les manifestations. Qala Cheikh Yahya hafidhahullah, quand on était à Dommage, on l'a entendu dire, qala, il a cité hadha, asdarat wizarat al-dakhiliya al-sa'udiya qararan musharrifan tushkar alayh بمنع المظاهرات والاعتصامات والمسيرات في الدولة السعودية لأنها تتعارض. اسمع. Pourquoi ils ont interdit dans leur bilad les mouvements, aïe les manifestations, les révoltes, les révolutions dans la rue quand les gens se manifestent, etc. قال لماذا؟ لأنها تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع مبادئ هذه الدولة. Quand il est sorti ce قرار, كثير من الناس تعانوا في المملكة من الكفار, etc. Ils ont dit pas de liberté, regardez, ils donnent aucune liberté au peuple, etc. Ta'ammal ce qui s'est passé fait le Rabi al-Arabi, ce qu'ils appellent le Rabi al-Arabi. Al-Haqiqa, c'est un harbun ala l'islam, ou al-muslimi. Ta'ammal ce qui s'est passé en Libye, ce qui s'est passé au Yémen, ce qui s'est passé en Syrie, en Tunisie, il a l'an. Il a l'an. Cette porte, elle n'a pas été fermée. Al-Kuffar, ils leur ont fait croire là, vous êtes libre, vous avez des droits. Al-an, ils s'entretuent. Ou al-Kuffar, ils t'affarrajoun. Ta'ammal hal al-mamlaka. Tatbiq al-Sharia, tatbiq al-Sunnah, yalla baraka, ya ikhwan. Est-ce que ça leur fait du mal, Foulan leur a dit, vous êtes dur, vous ne laissez pas de liberté. Ils sont fait amn wa aman. Ils sont fait amn wa aman. Et ceux qui sont sortis dans les pays musulmans, wallahi, ils regrettent ditten. Lakin, comment arrêter hadil muslim al-an? Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yufarrid anil muslimi. Fa fil mamlaka al-arabiya al-sa'udiya al-sha'air, sha'air al-islam qa'ima. Ce bilad, pour celui qui a été hajj, umrah ou autre, tu sens din al-islam. Tu sens que tu es dans un bilad musulman, wallah alhamd. Et dans les pays musulmans et les autres, que dalik, lakin hunak akthar. Akthar. Lianna al-ma'asi sont qalila. Et le char, il n'est pas zahir. Et ils font des efforts jiddan. Qala al-shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, amma fima yata'allak bihadi al-hukuma, wallah alhamd. Ay hukumat al-mamlaka, saoudiya. Qala fa al-bilad, kama ta'alamoun, bilad tahkum bil-shari'a al-islamiyya, wal-qudha, la yahkumoun illa bil-shari'a al-islamiyya, wal-siyam qa'im, wal-hajj qa'im. صحيح هناك مثلا t'as pas le droit de ne pas faire Ramadan si t'as pas une excuse valable. واحد مثلا dans la rue il mange, il boit, ah ben s'il a pas d'excuse, s'il a une excuse, il a une excuse. هذه c'est une manqaba azima, c'est une manqaba azima. Dans d'autres bilad tu fais ce que tu veux. On n'entend pas Haoula qui critique toute la journée Saoudia critiquer ce bilad par rapport à ça. لماذا? Le manque de insaf. قال الشيخ العثيمين والحج قائم. Eh نعم. أما العناية qu'ils ont pour الحجاج, les efforts qu'ils ont fait et les rénovations qu'ils ont fait في الحرمين, enfin ça c'est une manqaba كذلك عظيمة. On ne citera pas par manque de temps, لكن on fait un tambih هنا. On a tous les travaux, tout l'argent qui gaspille ou qui ولله الحمد n'est pas gaspillé, qui ينفقون, qui donne pour les lieux saints, enfin ça c'est une manqaba من المناقب. قال ثم إذا نظرنا والحمد لله إلى بلادنا ليس هناك بناء على القبور ولا طواف في القبور والبدع etc. هذه سين منقبة أهل التوحيد والله الحمد يغوكونس هذا. كذلك نختصر لأن الوقت ذهب ينكونكل بهذا. عنايتهم بالقرآن الكريم إذن عناية عظيمة حتى إذن والله الحمد إذن فوندي مطابع الملك عبد الله فيما أذكر. Ils impriment des milliers de mushaf, des traductions, des tafazir, ils propagent fil alam. Et ça, c'est une manqaba azima. Inaya bi kitabillah, jalla wa ala. Inaya, fi bilad al-kufr, ils se moquent, ils le brûlent, etc. Et fi hadihi al-dawla, wa lillahi al-hamd, ils donnent une makana, ils honorent, et ils aiment Kitab Allah Azza wa Jal. Fanahnu lizzim par rapport à hadith l'umour. Wallahi, on n'a reçu aucun, pas d'argent pour faire cette kalima ou pour parler en bien de le même laka, on ne connaît personne, walillah alhamd. Tout ça c'est du din. Tout ça c'est du din. Kadalik, inayatum bibin al-masajid. Kadalik. Que ce soit dans le Mamlaka ou autre. Kadalik, mu'awanatum lidhu'afa. Nacharu qabla ayyam, annahum, ils ont dépensé des millions de dollars pour aider nos frères en Palestine, pour aider nos frères au Yémen. Walillah alhamd. Ça c'est le même qada, kadalik. كذلك محاربتهم للحوثيين مؤخرا اساس من اعظم مناقب الملك سلمان حفظه الله تعالى سي parmi les premières choses qu'il a fait c'est حب هؤلاء الظلمه هؤلاء الروافض الحوثيين تصير منقبة عظيمه pour اهل التوحيد كذلك العنايه بالصلاه تعلمون ان هناك المحلات نحن ولله الحمد avant de rentrer au Maroc on a fait une escale à Jeddah في المملكه. Et هذا on l'a vu, wallah alhamd, on l'a vécu. Anna fi waqt as-salat, ta'lamun anna Jeddah c'est une ville énorme. C'est la ville économique du pays, etc. Et il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de fa fi hadhihi al-madina avec le poids économique qu'elle a, fi waqt as-salat, c'est waqt as-salat. Hatta marra on était dans un restaurant connu, etc. Anna waqt as-salat, tout le monde sort et tout le monde va au masjid. Ça c'est une manqab azima. Ça c'est une manqab azima que tu dois reconnaître. Tu dois reconnaître le fadl, les ahl al-fadl. Ils ont une inaïa azima pour le salat. Kadalik, ikramuhum lil mar'a. Al mar'a fil mamalaka, al mar'a al-muslima al-saliha, elle est murtaha jiddan. Elle n'est pas agressée, elle n'est pas insultée, son hijab, elle ne fait pas des choses qui ne la concernent pas, la mixité, etc. Ta'lamoun anna dans certains pays, hatta des témoignages, ils sont répandus kafirat, fibil al-kufr, elles sont peuflues. Léana al-mar'a, elle n'est plus à sa place. مرأة اللي بلاصة بلاصة فتتعب تتعب جدا جدا هناك ألا في نعمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى الخاتمة on conclut avec هذا وعفوا على التأخير تأخرنا قليلا قال الشيخ مقبل يجب على كل مسلم في جميع الأقطار الإسلامية أن يتعاون مع هذه الحكومة ولو بالكلمة الطيبة et c'est ça نحن le but نحن نفس cette kalima. Et on voit sur le net, on voit Nas, on voit et on entend Kathiran, une chose y a ta'anou fil mamlaka. Donc on a une chose futile. Un, prends l'exemple de Harbouhum ala al-Houthiyye. Manqaba azima, harb, etc. Tu trouves Adel Nas, la yadkur kalam. Il n'arrive pas à dire, Alhamdulillah, ils ont fait une chose de bien, abadan. Il entend une petite chose, khalas. Annahum, ils sont pires que les juifs, annahum, na'oudou billah. Na'oudou billah, ça c'était ça le but. C'était ça le but. تنبيه إخواننا لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة ونبه نفقير أنهم الحذر الحذر الكلام في الحكام كسس هو حكام المملكة أو غيرهم من حكام المسلمين الحاكم المسلم on le respecte et on l'aime في الله tant que c'est un musulman et si on peut s'entraider on le conseille et on patiente et on fait du'a pour lui c'est ça un musulman c'est ça un sunni qui préserve الخير قال الشيخ مقبل ولو بالكلمة الطيبة فإن أعداءها كثير من الداخل والخارج. Ah, ne rajoute pas. Ne rajoute pas. Haoula a'da le tawhid il haq, comme il a démontré Cheikh Abdel Aziz. Al-Kuffar, l'an, ils ne sont pas d'accord avec le mamlaka. Abtan, dans beaucoup de choses. Et yuharibunaha. Yuharibunaha. Anta, ne rajoute pas. Là, tu es musulman. Et tu fais le dua et tu apprends ton din. Et inshallah, tu seras à la khayr. Wa min alad al-a'da li hadi d'awla, tandim da'ish, al-mujrimin. Ce qu'ils appellent d'awla. Mujrimun. Mujrimun, volama. يطعنون في المملكة الليل نهار مع أنهم يتشوا المسلمين يتشوا الفوضى كيز ont fait يسعى الإسلامات etc. etc. يطعنون صلى الله سبحانه وتعالى يكفي المسلمين شرهم كذلك الإخوان المسلمون كذلك تنظيم القاعدة الرافضة والسائر الكفرة يطعنون في هذه الدولة نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والسلامة من الفتن ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان ونختم بدعاء الإمام الألباني رحمة الله عليه إلى فين دعاء هذه الدولة وهذه الحكومة قال أسأل الله أن يديم النعمة على أرض الجزيرة وعلى سائر بلاد المسلمين وأن يحفظ دولة التوحيد برعاية خادم الحرمين الشريفين والحمد لله.